espace des arènes au square Boucho. Ramène-toi au bain douche, que je te fasse faire le tour du proprio de manière appropriée. La zone est antifa, big up au projet Cactus. White power étouffé, ouais, de qu'on vienne, on pactise. Et tous sur le pont, paré pour le décollage. Ça sent la hecha, et la skunk, donc mec, prépare tes collages. Wegay de bar à Gainsbar, ouais, nous leur dit tienne la pierre. Et y'a au moins 15 bars, si ton lire décèle la bière. Quartier de putain, de clochards et d'anards. Pour autant de musiciens, de blédards et de las. Car y'a quelques caches dégueulasses où les rapatoches dans la piste, mais dans l'ensemble, on les trouve classe. Nos étages, tant que la police n'y a pas, il fourrait son zèle. Joue la discret, la back road, jusqu'à ce qu'on assaisonne de pavé gris leur pack grand. Et si trop de frères restent taqués, on sort pas beaucoup de champions. La misère roule au taquet, va voir la cantoche à Chambron. Mental de combattant, nos talents sont latents. Sœur, à quoi tu t'attends? C'est du bal de bâton. Mental de combattant, nos talents sont latents. Sors à quoi tu t'attends, c'est du bail de bâton. Les murs recouverts d'affichés de tags inscrivent le ton. Se faire gentrifier mes couilles, donc on s'approprie l'espace. V'là notre univers, t'as pigé l'état d'esprit le béton. Sous le regard des gargouilles de n'avoir chaque jour qui passe. Ceux qui avisent des synagogues, des églises aux synagogues. Et ceux qui visent sur le tiercé, en fait tous mis pour inverser. Cette routine qui gouverne, qui nous berne, qui nous cerne. Cette routine qui nous draine, qui nous traîne, mais qui nous freine. Alors attends que nous nous biffons pour récupérer le bifton. C'est pas les remparts de griffons qui arrêteront nos ambitions. Ça va partir en Spartacus, de canon à Bacchus, relâche tes coups qu'on accuse, d'être côté comme à l'Argus. Alors Argus, fais-toi gosse, bon, ici on est tous chauds. Barbie, coiffeur, oufto, bienvenue chez les boss, bon. Tatoué, sapé, chaussée, du quai Strasbourg à Marula. Cordonnier et couturier, ouais, y'a tout pour, t'es dans ma rue là. Mental de combattant, nos talents sont latents. Sors, à quoi tu t'attends, c'est du bail de bâton. Mental de combattant, nos talents sont latents. Sors, à quoi tu t'attends, c'est du bail de bâton. Bail de bâton, bail de bâton. Cernan 2016, 1 Bezac, Bezac, Bezac, Bezac, yeah.